La Lorraine vue du parc. Biodiversité, milieu naturel, tourisme, culture, aménagement durable du territoire. En partenariat avec le parc naturel régional de Lorraine. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en balade du côté des côtes de Toul. Les vendanges s'achèvent, les paysages sont magnifiques. Ça vaut vraiment le détour de faire une petite balade parmi ce territoire des plus remarquables qui ondulent parmi les paysages les plus exceptionnels de Lorraine. D'ailleurs, il faut savoir que les côtes de Toul, comme leurs voisines de la Meuse, sont à l'origine du classement du territoire du parc en parc naturel régional. Ça vaut bien quelques détours. Allez, c'est parti, on met des bonnes chaussures de marche. Je ne sais pas si vous m'entendez, là je commence à grimper sur les sentiers à la découverte des côtes de Toul. Alors, il faut savoir que le front des côtes est le territoire de l'arboriculture et de la viticulture, qui sont implantés sur les versants les mieux exposés. Je vous invite à plutôt choisir un itinéraire de balade sous le soleil. Le vignoble lorrain, eh bien, c'est l'un des plus septentrionaux de France. La vigne, elle est ici presque dans sa limite nord de répartition. L'activité viticole, elle s'est développée depuis l'Antiquité, en Lorraine, pour atteindre son apogée au XIXe siècle, où l'on exploitait alors encore 6000 hectares de vignes. L'industrialisation et puis l'exode rural, bien sûr, ainsi que la crise du célèbre phylloxéra et la Première Guerre mondiale ont failli avoir raison du vignoble lorrain. Mais c'était sans compter sur la pugnacité et l'attachement des viticulteurs à leur terroir qui ont permis de relancer cette activité. Situé sur les coteaux dominants de la vallée de la Moselle, le vignoble toulois s'étend sur quelques 20 km de long, 8 communes et est orienté est et sud. Des producteurs passionnés. En fait, il faut savoir que l'obtention de l'AOC en 1998 a récompensé le travail engagé par les viticulteurs du Toulois depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, le vignoble il est connu pour son emblème, bien sûr, le vin gris. Vous savez, le célèbre gris de Toul. En plus de ses cépages blancs ou rouges. Je vous invite à découvrir sans plus tarder la route touristique des côtes de Toul qui propose de rentrer dans différentes caves et d'aller à la rencontre des producteurs, des passionnés vraiment, qui vous diront tout sur l'élaboration de leur cru et qui auront à cœur aussi de vous accueillir pour un moment de partage et de découverte autour aussi de leur tradition et de la gastronomie locale. Là, si vous entendez mes pas, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux tout autour, eh bien, je suis en train d'entamer une petite balade que je vous invite à faire également, qui s'appelle la Petite Linotte, une découverte à pied. Ça va, ça ne monte pas trop. Comptez 3h15 de balade, 9,5 km. Je dis que ça ne monte pas trop parce qu'en fait, vous avez seulement 230 mètres de dénivelé. C'est pas beaucoup. Vous pourrez retrouver cette petite balade au cœur de notre magazine Le Côté Parc, le magazine du Parc Naturel Régional de Lorraine, que vous pouvez télécharger sur notre site, tout simplement, www.pnr-lorraine.com. Alors là, cette petite balade que je vous propose, c'est la Petite Linotte. C'est un circuit balisé au cœur du vignoble et qui vous propose une découverte du Toulois au rythme de vos pas. C'est vraiment très agréable. Vous pourrez aussi vous arrêter sur la commune de Brulet, hein, qui est au cœur de cette petite balade, où vous y trouverez un restaurant qui vaut le détour pour une petite pause gourmande à midi. Se nomme le Caveau. C'est aussi une boutique du parc. Là, vous pourrez retrouver des produits du terroir. Et puis, je vous invite, après votre repas, à monter là sur le rosaire qui est sur votre gauche. Et vous pourrez découvrir là une vue imprenable. Au-dessus du rosaire, juste à côté de l'église, il y a aussi une petite découverte à faire et un petit goûter à vous proposer, parce que là vraiment c'est, vous voyez, enfin moi là je découvre avec ébahissement les vignes qui commencent à se teinter d'or et de rouge. Donc à mon avis jusque mi-novembre, début décembre, c'est vraiment une balade à faire absolument. Enfin, si vous redescendez sur la commune de Lucet, faites un petit tour du côté des Roises. Il y a un parcours ludique sur ce site, et puis c'est très intéressant. Alors les Roises, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les endroits, des creux, qui étaient des fosses qui étaient creusées dans la terre, où on faisait rouillir le chanvre. Alors pour les non-lorrains qui vont découvrir le territoire, faire rouillir le chanvre, c'est en fait mettre la fibre, enfin la tige du chanvre dans l'eau pour qu'elle se dégrade, qu'elle pourrisse si vous voulez, afin de pouvoir en dégager les fibres les fibres qui seront utilisées après pour faire des cordages ou des tissus. Voilà. Je vous rappelle, le site internet du parc www.pnr-lorraine.com et là vous retrouverez le magazine Côté Parc et au cœur de ce magazine, sur les pages 16, 17 et 18 de mémoire, vous pourrez découvrir cette belle balade. À bientôt, au revoir. C'était la Lorraine vue du parc avec le parc naturel régional de Lorraine. Pour plus d'informations, www.pnr-lorraine.com.